avec l'anse qu'il transperce, de façon à lui permettre un retour plus rapide au niveau du noyau de l'égrégore. Bon, mais Daniel, là, tu parles de tous ces dieux-là qui sont bon, en fonction des peuples qui sont dans certaines telluries et que finalement, celui qui a le plus de nourriture émotive va être le plus fort, mais que là-dedans, c'est une espèce de hiérarchie qui n'y a pas vraiment d'ordre là-dedans. Comment c'est mené? C'est-tu au plus fort qui l'emporte, puis après ça, quand il s'affaiblit, c'est un autre qui prend le dessus? Mais les humains sont toujours subis sous ce joug-là. Là. C'est pas rien que ça. Comment ça naît un dieu? Tout à coup, comment ça se fait que Yahvé est sorti? Bon, en ce qui concerne Yahvé, Jéhovah, puis quelques autres divinités, il faut faire attention. C'est qu'à l'instauration même du contexte planétaire, au tout début, à un moment donné, il y a des phénomènes qui ont été amenés par des mécaniques extraterrestres sur le contexte planétaire à l'époque du refroidissement planétaire. Et la vie a lentement engendré. Par la suite, il y a d'autres mécaniques qui sont arrivées ici pour amener à l'intérieur de l'être humain ce qu'on appelle une âme. Donc, ce sont des petits détails. Il y a eu des invasions de mécaniques extraterrestres pour amener ici une forme de prisonniers qui ont été... qui se sont poussés sous terre et qu'on connaîtra aujourd'hui sous le nom d'intraterrestre. Jéhovah, c'est un limitateur au niveau des intraterrestres. C'est un organisme, on va parler disons d'un dieu, là, mais en guillemets. Donc, Jéhovah, c'est un dieu qui, lui, a pour fonction d'amener des lois restrictives au contexte intraterrestre, c'est-à-dire aux prisonniers qui sont placés ici. Et l'être humain, lui, parce qu'à un moment donné, il s'est mêlé à la race extraterrestre, la race adamique, qui est une race intraterrestre, il va avoir accès par son âme aux lois jéhoviques, c'est-à-dire qu'il va finir par penser que ce que Jéhovah a instauré pour les intraterrestres, c'est pour l'homme. Alors, il y aura par exemple l'idée qu'un jour, je vais venir vous sauver, mais ça, c'est des vaisseaux-mères qui vont revenir chez les intraterrestres dans les années à venir, et lui-même pensera constamment que du ciel va venir le salut, mais ça ne regarde pas lui, cela. En plus, il y aura d'autres choses, par exemple, tu ne dois pas connaître l'avenir, ça ne doit pas fouiller dans rien de ça. Ce sont des lois jéhoviques qui s'adressent aux intraterrestres pour des raisons sur lesquelles je vais passer. Et l'humain va aussi penser que, finalement, les sorciers, les tireurs de cartes, les voyants, les intuitifs, ce sont des forces sataniques qui devront être détruites. Les guérisseurs, les scientifiques, c'est des choses à éliminer, mais ça s'adresse aux intraterrestres, pas à l'être humain. Mais l'humain, mélangé dans sa psychologie, va croire à ça. Jéhovah, c'est une force carcérale qui amène des lois extrêmement rigides. Bon, si tu fais vol, on te coupe une main et un pied. Si tu fais ceci, un bon. Par la suite, va venir pour adoucir le contexte planétaire après l'installation des deux vagues de venues extraterrestres, va venir un autre mécanique qui va venir adoucir la structure au complet pour permettre à l'être humain, qui maintenant est envahi par la conscience astrale de cette attente céleste d'être sauvé, et les intraterrestres, pour adoucir la relation psychologique entre ces personnages-là, entre l'humain et les intraterrestres, il y a disons une force qui va venir, qui va s'appeler Yahvé, qui, elle, vient après Jéhovah, et elle vient pour instaurer des lois de relation entre l'homme, qui est maintenant habité par un virus, l'âme, vient installer des lois de relation, et Yahvé va donc, dans la conscience de l'homme, rester un dieu plus pacifique, un dieu plus paisible, un dieu finalement plus plaisant. Et ça, c'est une force, mais ça vient de l'astral? Non, ça, ce sont des mécaniques qui proviennent de l'extraterrestrialité planétaire. Donc, c'est importé. C'est importé et c'est astralisé maintenant au niveau de la relation émotive avec l'humain. Antérieurement à ça, il y avait des forces qu'on appelle des forces, c'est des contingents éoliques. Les Elohims, eux, ont comme unique fonction de transposer des cellules de corps suffisamment réveillées, suffisamment évoluées, émancipées du point de vue de leur nature atomique, d'un monde en croissance à un monde refroidi. Donc, eux ont précédé Jéhovah, ils ont précédé Yahvé. Et aujourd'hui, les forces Elohimiques ont tendance à revenir pour prendre des cellules à l'échelle de certains humains, simplement pour se conserver des banques, pour recréer le contexte humain encore où l'humain s'auto-détruirait sur la planète Terre dans les années à venir. Et ça procédera, par exemple, de l'image même du mouvement raélien, par exemple. Et bon, eux, ils sont émotivement reliés à cette mécanique-là. Alors, on a donc des dieux comme ça. Bouddha, qui va devenir un dieu, est un être humain. Jésus, qui, dans certains cas, est finalement une divinité. Et on a, à travers l'histoire humaine, encore d'autres vagues successives comme ça qui vont passer de mécaniques qui vont venir instruire l'humain, qui font partie de ce que l'humain va finir par atterrir comme idée d'un dieu. Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Que Jésus-Christ était le Fils du Père? Non, Jésus était le Fils de Joseph et de Marie. Non, mais dans sa façon de s'exprimer, au début, il disait qu'il était le Fils de Dieu, dans le ciel. Il n'avait rien de faire. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il est connu. Dans les noms, non, mais sérieusement, il utilisait le nom Jésus quand il était baptisé. Est-ce que Jésus, le corps physique et l'entité Jésus, était le Fils de Dieu dans le ciel? Et que le Christ ou Jésus-Christ était le Fils du Père dans les cieux? Bon. Et que le Christ était? Oui. Ça a bien de l'allure, ça. Ça a de l'allure. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est quoi ça? C'est dommage. Mais au début, Jésus. Sinon, c'était quoi? Non, ce qui arrive, il faut comprendre, c'est que Jésus, c'est un corps physique extraordinairement intéressant, du point de vue de sa génétique, de par ses parents, de par ses lignées. Énergétiquement, Jésus réincarne David et non pas génétiquement. Génétiquement, il réincarnait quoi? C'est un juif. Grand-père, grand-maman. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant, vous prenez les évangiles, par exemple, et vous lisez la généalogie de Jésus. Les quatre évangiles ont quatre arbres généalogiques différents. Ils partent de David, ils arrivent à Jésus, puis ils suivent tous des chemins différents. Bon, puis quand vous étudiez ça au niveau, par exemple, en grande théologie, bon, on vous explique que c'est pas si important que ça, finalement, la généalogie, etc. Quand son agent d'assurance vous demandait, y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui fait de l'asthme? Ça dépend laquelle. Il y avait le choix. Beaucoup de lignées familiales. Il n'y a pas de vendeur d'assurance à l'époque. Alors, ce qui arrive, c'est que il y a une... C'était vraiment le paradis. Oui, mais en tout cas... Et ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a une énergie michaélienne, une énergie particulière. Bon, on peut, si vous avez des questions, on pourra en parler un peu plus. Mais qui traverse les cieux, qui traverse le ciel, qui descend à l'intérieur du corps d'un enfant, qui va pendant plusieurs années essayer de convaincre l'enfant de laisser, de lui donner son corps. Mais est-ce que c'est Dieu, là, cette énergie-là? C'est pas Dieu, ça, c'est Michaël. Il m'a fallu que ça soit plus fort que tous les autres dieux, par exemple. Ça n'a rien à voir avec les dieux. Donc, c'est pas une question de force, ça n'a rien à voir avec les dieux. C'était pas sur le même terrain. C'est ça. Et là, ce qui arrive, c'est que Jésus, lui, à travers ce qu'il est en tant qu'humain, à travers ce qu'il réincarne, il va essayer, pour régler ses dissonances cognitives, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive, ce qui fait qu'au départ, il va simplement dire qu'il est le fils de Joseph et de Marie. Plus loin, à un moment donné, il va commencer à parler à ses parents qui doivent s'occuper des choses de son père, c'est-à-dire qu'il essaie d'ajuster avec ce qu'il connaît, il essaie d'ajuster ce qui se passe chez lui avec ce qu'il connaît de l'extérieur. Évidemment, il va lire... la Bible. Et Jésus, en passant, n'a jamais lu le Nouveau Testament. Bon. Alors, c'est un fait. Alors, il lisait donc... Il n'était pas de catholique que ça, d'abord. Alors, catholique n'a même jamais été à la messe. Ou messe, en tout cas, de son genre. Il n'a jamais... Bon. Et puis, donc, il lisait la Bible, l'Ancien Testament, évidemment, vu que le Nouveau, c'est l'histoire de Jésus, ça, il l'a pas lu. Et dans l'Ancien Testament, il découvrait des choses qui étaient totalement en affinité avec ce que lui vibrait. Et progressivement, il a compris que la majorité des prophètes étaient des préparateurs de terrain, c'est-à-dire qu'ils ont fait des prophéties, puis les individus qui ont l'intelligence devraient, à l'époque, se servir des prophéties pour se protéger. Alors lui, il s'est immiscé dans une prophétie, et là, il a dit, « Je suis la prophétie. » Bon, alors évidemment, il y a du monde qui ne l'ont pas aimé, si on le sait, puis il y a du monde qui ont eu peur de lui. Ils l'ont craint, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aimer Dieu, on ne pouvait que craindre Dieu. Alors il y a des gens qui craignaient Jésus, ils ne l'aimaient pas. Il y a eu quelques amis, il y a eu Lazare, entre autres, puis Marie, Madeleine, etc. Mais la majorité des gens le craignaient. Progressivement, en s'ajustant, donc, il était le fils du Dieu dans le ciel, parce que tout le monde adorait le Dieu dans le ciel. Mais tout le monde était le fils du Dieu dans le ciel, finalement. Oui, mais là, à l'époque, non. C'est sûr, mais à l'époque, non. Bon, mais il n'y a pas un qui aurait été capable de le dire, ouais, de supporter ça. Moi, j'ai déjà fait ça quand j'étais jeune, j'étais voir un prêtre, j'ai dit, écoutez, mon père me dit que, puis il dit, écoute, c'est notre père. Je sais que c'est notre père, mais là, je parle de mon père, c'est mon père aussi. C'est mon père. Et quand je voyais ma soeur, je disais, papa, ne disais pas, notre père, mais je disais, c'est mon père aussi. Mais ça ne marchait pas, c'était comme prétentieux. En tout cas, alors, mais lui, il disait, mon père, puis c'est vrai, c'était leur père, tout le monde. Pas tout le monde, mais tous ceux qui étaient de la même énergie que Jésus, ce que lui a ramené en s'en allant. Alors, progressivement, donc, étant donné qu'il va se conscientiser et que l'énergie supramentale, qu'à l'époque on appellera Esprit Saint, un esprit pur qui n'est pas coloré par l'esprit humain, par l'astral humain, par l'astral des dieux, va prendre lentement possession du corps de Jésus et va instruire Jésus. Ça va lui donner un double éthérique, c'est l'échange qu'il y avait. Tu me prêtes ton corps, je te donne un double, donc tu seras immortel par la suite. Et donc, progressivement, Jésus va, par sa parole, va découvrir qui est le Fils de Dieu dans le ciel. Mais c'est pas vrai, c'est l'ajustement qu'il fait avec ce qui se passe autour de lui. Ah, il est déjà en contact avec les cieux, puis il dit le ciel. Il est pas conscient encore. C'est parce qu'il est encore mélangé à ce moment-là. Il est encore mélangé. Progressivement, il se réveille, il va finir par dire, je suis pas venu détruire la loi, je suis venu la parfaire. Donc, il va rien changer, mais il va aller beaucoup plus loin. Autrement dit, il va dire, ce que vous savez n'est pas faux, mais voici ce qui manque. Il ne pouvait pas dire ça même, là, mais c'est ce que ça donnait. Et plus ça allait, plus il se rendait compte qu'il était au-delà, puis que finalement, ça n'avait pas grand-chose à faire. Alors, il disait aux gens au départ, allez prier, repentez-vous, aimez-vous. Quand il a commencé à parler de l'amour, c'est quand il a commencé à toucher au plan de l'amour instantané. Avant ça, il était au niveau du plan supramental, au niveau du plan d'intelligence. C'était sa première fois que l'amour touchait à la planète. Oui, c'est la première fois que l'amour instantané touchait à la planète Terre par le biais de ce bonhomme-là. Et progressivement, il a dit aux gens de prier. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu le voir, puis il lui a dit, écoute, t'as fait des conneries avec quelqu'un, mettons, bon, t'as volé quelqu'un, tu vas te faire pardonner par Dieu. Il dit, l'homme peut pardonner à l'homme. C'est pas à Dieu de pardonner à l'homme. Déjà là, il commençait à parler que Dieu n'avait pas la puissance que vous pensez qu'il a. Au plan terrestre. Exact. Alors finalement, il a même dit à un mec, à un moment donné, c'est relaté aussi dans le Nouveau Testament, je crois, c'était, écoute, si t'as fait quelque chose, va le voir. Va régler ça avec lui, et après, si t'as le temps, t'iras à l'église. Là, il leur demandait de prier, c'est de nourrir Dieu. Oui, mais il faut faire attention, c'est que c'est pas long que lui, il leur a expliqué que quand vous allez prier en pensant à moi, je vais être parmi vous. Et lui, c'était un bon gars. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert les portes du ciel. Mais c'est parce qu'ils invitaient plus à se brancher sur du supramental ou de l'intelligence que sur des deux dans le sens, c'est ça? C'est ça, sur de l'au-delà des traditions, sur de la conscience. Sauf que c'était le mieux qu'ils pouvaient leur dire pour l'époque avec ce que les gens comprenaient. Pour la première fois, on avait un être évolutionnaire dans un système religieux, parce que finalement, c'est un être révolutionnaire. Il y a tout le chambard des affaires au complet. Mais là, il y a donc plusieurs petits phénomènes comme ça qui sont intéressants, juste que quand il va dire aux gens comment prier, puis j'en ai déjà parlé, où il va terminer sa prière à notre Père qui est aux cieux. Bon, donne-nous notre pain quotidien, fais ceci, fais cela, et conclut avec Amen. Amen qui est un ordre, qui veut implicitement dire qu'il en soit ainsi. Donc, il avait expliqué à l'humain que quand tu pries à Dieu, tu ordonnes à Dieu. Tu ne demandes pas, tu lui dis ce que tu as besoin, puis tu lui dis c'est ça. Oh, mais il n'y a personne qui a compris ça. Non, parce que l'humain était encore trop sous le joug de la clémentation. Mais, savais-tu que ce ne serait pas compris? Il y a plusieurs personnes qui l'ont compris. Il y a énormément de personnes qui ont contrôlé le système planétaire à travers l'histoire. Lazare avait compris, donc le comte de Saint-Germain, etc., Thomas Paine, puis pas qu'à d'autres. Mais cette forme de prière-là, c'est une prière de Dieu dans les cieux qui prie au Dieu dans le ciel de s'exécuter. C'est pas par l'intermédiaire d'un corps. Il faut comprendre le principe, évidemment, que l'humain ici fait partie de ce qui est dans les cieux. Puis dire, ben, donc c'est celui qui se prend juste en dessous du ciel. Parle pas langage d'oiseau. Celui qui se sent juste connecté au niveau du ciel, il peut pas demander, exiger du ciel parce qu'il vit du ciel. Non, il ne peut que demander. Mais c'est connecté aux cieux. Les cieux, eux, peuvent par l'intermédiaire de son corps aller chercher de l'énergie dans la. Parce que le Nazaréen a laissé suffisamment de traces pour permettre à l'être humain de contrôler, de s'en sortir. Lui-même, il disait, tant qu'à y être, mettez donc vos trésors dans le ciel. Bon, mais à quoi ça sert de mettre tes trésors dans le ciel? C'est comme une banque, tu te fais des dépôts, mais vas-tu pouvoir faire un retrait un jour? Mais les gérants de banque, c'est les dieux, c'est pas bien sécuritaire, ça. Ben, ils prêtent, en tout cas, quand tu peux avoir une petite sectette, t'as de l'énergie en masse, tu guéris 400 personnes, ça marche bien, après deux début, fois, au plus, début, là. C'est ça, après ça marche au plus. Début, ben non, c'est pour amener du monde. Mais à un moment donné, l'être humain qui va être suffisamment maître contrôleur de ce qu'il est, qui va être suffisamment conscient, donc qui va avoir cessé d'évoluer et qui va être dans un cheminement de conscientisation et non pas dans un cheminement d'évolution, à un moment donné, lui, il va retrouver les clés pour être capable d'aller chercher l'énergie qui était placée dans le ciel pour restaurer, dans le contexte planétaire, un monde qui est en affinité avec son intelligence. Moi, je dis souvent aux séminaristes que, présentement, votre vie est une insulte à votre intelligence. Bon, puis c'est sûr que l'humain peut dire, « Non, moi, ma vie, c'est pas si pire que ça. » Avec l'intelligence que vous avez, là, avec ce que vous savez de ces affaires tellement connes, la vie est une insulte à l'intelligence humaine, mais l'humain est tellement manipulé par des mécaniques théologiques, entre autres, des mécaniques astrales, des mécaniques de culpabilité, des mécaniques de honte, des mécaniques de dissonance cognitive, des mécaniques d'illusion de libre-arbitre, etc., etc. L'humain ne vit pas sa vie. On se sert de l'humain, puis l'humain ne vit pas sa vie. On se sert de l'humain. Qui? Est-ce que c'est les dieux? Pourquoi? Puis, c'est-tu géré, ça, là? Ça va-tu mener l'homme quelque part, ça? Je parle l'homme en général. Non, ben, quelque part, ça va-tu l'amener à se conscientiser? Parce que tu disais tantôt... Non. Ben oui, puis non. Ah, ben, si, le gros problème de la différence cognitive, c'est que l'être humain essaie de donner une raison positive à tout ce qui lui arrive. Par exemple, oui, mais moi, j'ai eu un accident, mais ça a quand même été bon, ça m'a permis de rencontrer ma blonde. Tu n'aurais pas pu la rencontrer sans accident, ta blonde. Je parle dans un monde convenable. Mm-hmm. Alors, on va trouver que l'accident avait du bon côté. C'est ça, facile. Ouais. Il y a eu un volcan, puis il y a eu 800 morts, mais ça nous a permis de nous rapprocher, nous, le village, puis là, on s'aide plus. Puis, franchement, on n'aurait pas pu s'aider sans qu'il y ait un volcan qui tue la moitié de la population. Mais on trouve du bon dans tout ce qui est mal. Et ça, c'est un problème parce que finalement, on finit par aimer la merde. Mais ça va avoir une fin, ça, un jour. Bon. Alors, par exemple, le fait que les dieux siphonnent l'humain, manipulent l'humain, ça a un bon côté, ça va nous amener à nous conscientiser. Par l'écœurement. Mais ça n'a pas un bon côté, oui, bien c'est ça, mais c'est franchement. Mais moi, je dis souvent que quand l'être humain va être suffisamment conscient, il va avoir une métamorphose au niveau des structures temporelles, c'est-à-dire que l'humain va carrément changer de monde. Ça paraîtra pas comme ça, mais son monde va être de plus en plus pacifique. Parce que l'apothéose, c'est pas après l'apocalypse, c'est à côté de l'apocalypse. On vit l'apocalypse, là, ou on vit l'apothéose, puis on n'est pas sur la même planète, même si on a l'impression d'être sur la même planète. En tout cas, c'est un peu complexe, mais c'est ce qui arrive. L'humain, il ne faut pas que l'humain attende, après l'apocalypse, que l'apothéose arrive. Ça, c'est des illusions, ça, là. Après l'apocalypse, là, il reste des ruines. Est-ce que je peux en conclure que dans l'apothéose, c'est pas le terrain des dieux? Les dieux n'ont pas d'emprise. Les dieux n'ont pas l'affaire. Là. Non, les dieux n'ont pas besoin d'être là. Mais, l'humain est suffisant et l'humain est correct là. Mais oui? Mais pour quelqu'un là, qui conscientise, qui n'a pas de dieu, mais qui n'est pas en contact avec l'intelligence, comment faire? Parce que là, il se retrouve... Non, quelqu'un qui conscientise qu'il n'a pas de dieu, qui n'est pas en contact avec l'intelligence, mais pas assez, conscientise pas qu'il n'a pas de dieu. Non, mais... Non, mais qui entend ça, puis qui entend que c'est tout dans l'astral, puis non, qui serait bien encore avec un dieu, mais qui entend que c'est dans l'astral, donc pour lui, astral égale péché, puis qu'il se retrouve, tu sais, pourquoi qu'il se retrouve à vivre un vide pour rien, là? Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pas se culpabiliser puis rester dans sa religion? Non, ça, c'est facile à dire, ça, l'humain est tellement manipulé. C'est comme de dire à quelqu'un, culpabilise-toi plus. C'est vrai. Fais-toi en pas avec ça. T'as le goût de faire l'amour avec une personne, là? Non, j'ai plus. Non, mais c'est vrai. Non, moi, c'est pour ça que l'humain, c'est pas manipulé. Si votre pensée vous appartient, ben vous arrêtez ça net. Bon, tiens, pour tes pensées, là, pourquoi tu dépenses? Dépense pas. Non, mais moi, c'est pour ça que je dis. Non, mais c'est ça fait partie de la même mécanique. Je comprends ce que tu dis. C'est que l'humain, par exemple, qui à un moment donné apprend comme une conférence sur le pouvoir. Donc, toi, qui l'apprend, c'est ça, qui l'apprend. Okay? Puis moi, là, je ne prétends pas que les dieux sont ceci, sont cela. Observez l'histoire. Mais je sais qu'un danger, plus ça va mal, plus les gens croient qu'ils sont là. Bon, mais à un moment donné, puis ça, c'est choquant un petit peu, parce que moi, plus ça va bien, plus je crois en Dieu. Plus ça va mal, moins j'y crois. Tu sais, ça, c'est moi. Alors que l'humain, plus ça va mal, plus il croit, plus ça va bien, moins il croit. Bon. Évidemment, je sais que les dieux existent, sauf que les dieux n'ont pas la valeur. L'homme est un élément essentiel au vécu des dieux. Pas d'homme, pas de dieu. Puis pas de dieu, pas de problème. Il y a l'homme encore. Et là, ce qui est justement la question, c'est que si la personne n'a pas de contact avec son intelligence, donc avec elle-même, puis c'est pas un contact, ça ne nous parle pas dans la tête, c'est pas une affaire compliquée comme ça, là. On est bien. On découvre, par exemple, une réalité dans la vie, là, puis ça ne nous traumatise pas. Ça, c'est quand on est en contact, on est centré. Qu'est-ce qu'une personne qui a absolument besoin d'un Dieu, d'une religion, de divinité fait, lorsqu'à un moment donné, quelque part dans son mental, elle, dans son intelligence, elle se rend compte que... peut-être que c'est vrai que les dieux ne sont pas ce qu'on pense. La meilleure chose que la personne peut faire, c'est de continuer à vivre avec l'illusion de divinité intéressante. Puis même si c'est de l'illusion, c'est intéressant. Il y a aussi des personnes qui sont bien, qui sont belles en général. J'ai une dame que je connais qui est dans un ordre religieux. C'est une personne qui ne ferait jamais de mal, qui, elle, représente le juste, le bien, etc. Pour elle. Mais comme elle est comme ça, qu'elle soit dans la religion ou à côté de la religion, elle est faite comme ça, c'est intrinsèque, c'est pas elle vient au monde de même, c'est pas de sa faute. Mais pour elle, là, pour elle, Dieu est bon. Oui, puis... Et puis ça peut pas en être... Elle peut pas faire quelque chose qui est pas bon. C'est ça, puis elle, ce qui est dommage dans son cas, c'est qu'elle pense qu'elle est bonne parce que Dieu est là. Que Dieu, c'est ça. Ah, oui, bon, jamais si dire que c'est elle. Si elle n'est pas dans la religion, elle resterait aussi bonne parce que c'est une bonne personne. Ça ne le verrait pas. Non, c'est ça. Mais pour elle, Dieu est bon. Ah oui. Il n'y a pas de raison qu'elle pense que Dieu n'est pas bon. Tout ce qu'elle lui fait faire, c'est correct. Exact. Et moi, je m'assois à côté d'elle, puis je ne marcherai pas la convaincre que Dieu n'est pas bon. Sauf que si on regarde ce qui se passe à l'échelle de la planète, c'est facile de dire c'est l'homme et la femme qui sont pas bons. Écoutez, on s'en met tellement sur le dos. Vous, quand vous faites des stupidités, voulez-vous faire des stupidités? Non. Quand on fait des conneries, voulez-vous faire des conneries? Non. Il y a une femme dernièrement qui parlait à la radio, elle a vécu, elle, la Révolution espagnole. Bon, la guerre civile qui a eu lieu en Espagne il y a quelques années. Puis elle dit, partout dans tous les camps qui se battaient, personne ne voulait se battre. Et tout le monde se battait. Elle a dit, en Serbie, en Yougoslavie, partout dans ces pays-là, c'est la même foutue d'affaire. Puis comment ça se fait? Puis elle dit, je m'interroge, je comprends pas. Comment ça se fait que les humains continuent à se tuer, à tuer leurs enfants, les femmes, les voisins, à s'entretuer sans arrêt, alors que personne ne veut ça. Au Liban, c'est la même chose. La Syrie, c'est la même chose. Personne ne veut ça. Elle continue à se tuer sans arrêt. Elle dit, je comprends pas. Puis je sais, je l'ai vécu. À un moment donné, on s'est ramassé, là, il n'y avait plus rien. On était en train de mourir, il faisait extrêmement froid. On s'est ramassé avec des familles ennemies. Puis là, il a bien fallu qu'on on n'a plus d'armes, il n'y a plus rien. Il a bien fallu qu'on s'entraide, c'est des femmes, des enfants surtout. Puis là, on s'est tous rendu compte qu'il n'y a pas un qui voulait se battre. On se met tous autant. Quand j'étais à Haïti, dans le coup d'État, on demandait à des Haïtiens individuellement s'ils voulaient qu'Aristide revienne. C'était tout non. Puis s'il y en avait plus qu'un, s'il était deux, ils disaient oui. Parce que l'égrégore de ce bonhomme-là était suffisamment fort pour la masse qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne voulaient pas qu'il revienne. Tout le monde disait qu'il voulait qu'il revienne. Mais si tu leur demandais un par un, sans que les autres entendent, c'était tout non. Bon, là, on va revenir à la même question. D'abord, comment ça se fait que tout le monde veut ceci, mais que le peuple veut cela? Bien, c'est décidé au-dessus de l'eau-tête. L'égrégore. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça. C'est tellement... C'est pas parce que l'humain est mauvais. L'humain est bon. Bon, l'humain, il est charrié en tabarouette. L'humain, là, avec la conscience, on vient, il tourne ça à une vitesse folle. À un moment donné, il déteste l'autre, puis il sait pas pourquoi. Bon, donc, c'est les dieux qui sont mauvais. C'est pas une question de mauvais ou de bon. Une chose est certaine, c'est que les dieux se nourrissent de l'émotivité humaine. Donc, il faut que l'humain vive des émotions. Et plus l'émotion est dense, plus les dieux vont s'alimenter. Donc, l'humain vit des émotions denses depuis que l'humain est là. Mais c'est un sac vicieux. L'humain s'en sortira pas, à moins qu'il soit capable de couper l'émotion, de couper sa nourriture. Toutes les religions parlent d'un paradis antérieur, un paradis, un endroit intéressant. Toutes les religions en parlent. Mais toutes les religions en parlent, mais historiquement, on n'a rien laissé dans la trace de l'homme de plaisir. Bon, alors, par exemple, au niveau du paradis terrestre catholique, voilà 3500, 4000 ans. Mais l'homme des cavernes devait 4 millions d'années. Quand un tyrannosaure, il serait courait après ses culottes, parce qu'il reconnaissait la peau de sa femme, là. Le tyrannosaure courait après les culottes du gars. C'est le paradis terrestre, là, cherche-le-tu? Bon, va partout, les époques glaciaires, les époques de maringouins. Toutes les époques, tout ce qui s'est passé à l'échelle de l'humain. Bon, à un moment donné, on découvre le Nil, on s'installe sur le bord du Nil, puis là, le Nil, à un moment donné, il déborde, tout le monde au complet. Après ça, ben là, il y a le dieu du Nil qui est bon parce qu'il amène du limon, ça fait que, oui, mais du monde sont morts avant. Non! Bon, continuellement, le Japon, le tremblement de terre, la Chine, tout le monde a passé. Il n'y a jamais eu de paradis sur la planète Terre. Mais l'humain a ça quelque part, qu'il y a un dieu qui vient lui dire qu'avant, c'était bon et parfait, vous avez commis des conneries, parce que je suis un dieu bon et parfait, toutes vos générations allaient manger de la... Mais moi, je me rappelle pas avoir des sous-dieux quelque part. Apparemment que je paye pour Ève, puis Adam. En tout cas, je les rencontre un jour, ces deux-là. C'est qui ce dieu-là? Il n'y a pas de qui. Mais c'est... Un nuage, là. C'est qui, un nuage? Mais c'est ça, c'est un nuage. Non, mais tu comprends? Un nuage. Oui, ça, je comprends. Mais quand il pleut, là, pourquoi il pleut? Pourquoi il veut pleuvoir la nuit? Il veut pas pleuvoir le nuage. Mais qui le contrôle à pleuvoir? Personne. Mais qui le déplace? Qui lui dit de ne pas aller dans le Sahara? Puis qui lui dit de ne pas aller là où ils ont besoin d'eau? Puis qui lui dit d'aller broyer là où il y a trop d'eau? Qui lui dit? Oui, mais il pleut pareil. Il pleut pareil, exact. Puis il n'y a pas de qui. Il pleut ou il pleut. Souvent, c'est ce qui arrive. C'est ça, mais parce qu'on parle de la création, puis ils vont dire que Dieu a créé le monde en 7 jours et tout ça. Surtout que Dieu a créé la Terre le 2e ou 3e jour, puis que les jours sont comptés en fonction de la rotation de la Terre sur elle-même, en tout cas. Mais passons à ces petits détails. C'est rétroactif, les calendriers, là, ce temps-là. Non, c'est qu'ésotériquement, au niveau de la Genèse, présentement, on est dans le 6e jour de la création, puis on s'en va dans le 7e jour prochainement. Bon, au niveau ésotérique, là, parce que la Genèse, quand on parle de l'Ancien Testament, c'est sûr que si on essaie de voir un livre d'histoire là-dedans, on va voir des histoires, mais pas de l'histoire. Par contre, c'est un livre ésotérique. Il faut décoder un peu, puis il faut faire attention au décodage souvent, parce que l'astral charrie énormément. Mais on se lance dans le sixième jour, on approche de l'entrée du septième jour. Bon. Mais qui a créé la Terre? Qui a créé... La question fondamentale, puis ça, il y a beaucoup de cerveaux aussi qui ont posé cette question-là. Si Dieu a créé l'homme, qui a créé Dieu? Ah, Dieu a toujours été là. Mais pourquoi l'homme n'a pas toujours été là, lui aussi, de bord? Mais là, on parle d'un autre Dieu, là. On ne parle plus du Dieu. On parle des mêmes dieux. C'est que l'humain mélange tous les plans. Parce que les dieux qui manipulent l'humain ont récupéré toutes les connaissances que l'être, l'homme, le savoir, la vibration que l'homme a, l'homme, la femme, l'enfant, ils ont, des plans supérieurs aux dieux, puis les dieux se les approprient, font croire que. Parce que les dieux que l'humain prie n'ont pas créé la terre, ils ont été créés en même temps. Les dieux sont dans le ciel, puis le ciel a été créé après. Hein? Dieu créa le ciel et la terre, puis les dieux ont pris les dieux dans le ciel. Fait qu'au niveau ésotérique, il faut déjà comprendre que la mécanique qui engendre le phénomène a créé un endroit, puis quand l'humain prie, il prie les dieux dans le ciel. Et le ciel a été créé par, ésotériquement, par un vuchou premier. Bon. L'être humain, je ne veux pas trop déborder au-dehors du ciel, enfin, pas dans cette conférence-ci. On n'aura pas le temps, puis émotivement, donc si je ne donne pas suffisamment d'informations, ça crée des remous plutôt que de la stabilité au niveau de l'information. Ce que l'être humain doit comprendre, ce que Nazaréen disait, là, que c'est l'homme a la clé. Et l'homme peut pardonner, l'homme peut guérir, c'est l'homme qui a la clé. Il faut comprendre que l'homme, il y a un corps physique, à l'époque, évidemment, l'humain était moins conscient qu'aujourd'hui, il y a un corps physique, il y a une tendance à une descente d'énergie supramentale à l'intérieur du corps physique, à l'époque, on appelait ça de l'Esprit-Saint. Bon. L'homme, il y a un homme cosmique, un homme global, qui est le corps de chair, le corps vital, la vie, le corps astral, la psychologie. Mais le corps astral, c'est un corps d'énergie vitale capable de maintenir de la mémoire. C'est l'enveloppe de l'âme. L'âme, ça n'appartient pas à l'homme. Une âme pure, c'est un corps astral sans information, sans émotion. Donc, ça ne peut pas haïr, etc. Il y a le corps astral, il y a le corps mental, il y a le corps supramental, il y a le corps bouddhique, il y a le corps divin. C'est l'âme globale. Mais présentement, l'humain à l'échelle planétaire, parce qu'il est limité par son corps de chair, même si le corps de chair est essentiel, il a accès à très peu d'informations au-dehors du ciel. Donc, l'homme se dit, j'ai besoin absolument d'une structure psychologique pour me rassurer, alors que l'être humain qui se conscientise se rend compte que Dieu, pas Dieu, tu restes là. Croyance, pas croyance, tu restes là. Alors, ce que l'humain peut faire, c'est faire ce que le Nazaréen suggérait, c'est de se réunir en son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de se réunir pour parler. La prière, au départ, était de discussion ordonnée. En son nom, il parlait de l'intelligence. On pourrait dire ça. We'll be right back.